Bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Holiday Mix. Cette semaine, la tendance musicale sera à la Tech House avec des loops minimaux et groovy. Pendant les 60 prochaines minutes, vous aurez droit à une sélection de titres testés et approuvés sur le dance floor. On va démarrer avec un jeune américain qui n'a pas encore fêté ses 25 ans et pourtant déjà il est à l'affiche des plus grands festivals de par le monde. Je veux parler de Skrillex. Il s'est fait un nom principalement grâce à la dubstep et à lui tout seul, il a réussi à révolutionner ce style musical en lui donnant un nouveau son, voire même une nouvelle forme. Ses productions vont de l'électro house à la drum and bass, drum step ou encore downbeat. Et il a même produit quelques titres avec des groupes de heavy metal, ce qui lui vaut même l'honneur d'être joué par les plus grands DJ art style. Je vous propose donc de démarrer aujourd'hui ce set avec un mashup signé Lou and Placido, bootleg à la base de Skrillex, de Daft Punk, ainsi qu'une touche de Queen et de House of Pain. Vous écoutez Holiday Mix et c'est le nouveau rock'n'roll de 2013. Your big disgrace, kicking your can all over the place. Singing, we will rock. We will, we will rock. We will rock. We will rock. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take all the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Your big disgrace, kicking your can all over the place. Singing, robot, rock. Singing, singing, robot. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. We'll be right back. Monsieur Cortez in the mix. Le meilleur du dance floor. Avec Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Let the bass kick. We'll be right back. let the bass kick. les meilleures nouveautés dance floor avec Monsieur Cortez. Holiday Mix. Écoute ça. In the mix. Thank you. Une vraie petite tuerie que ce Remote Control, c'est signé AKO. Juste avant, il y avait Mario Ochoa qui était précédé de Chocolate Puma et Gregor Salto avec Gimme Some ainsi que Weba avec Deliverance. Holiday Mix aux couleurs Tech House aujourd'hui avec dans quelques minutes le nouveau Alex Kenji, le nouveau Abel Ramos, Puma en duo avec Raoul Cremona, mais tout de suite le duo de choc qui monte, qui monte, qui monte, Proc and Fitch, voici Swarm. We'll be right back. nouveautés qui font vibrer les dance floors du monde entier. Yeah. Thank you.

Six spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Hey, I'll sell your marrow and break the spell of aging. The love of the skin is this, your gender is, and why you're waging. Firstborn unicorn. Monsieur Cortez. Il semblerait qu'en 2013, le rock'n'roll change véritablement de son, car tous les gros standards du rock sont remixés les uns après les autres. Le Californication des Red Hot Chili Peppers, remixé ici par Promised Land. Juste avant, il y avait Orian Nilsson avec son Filthy Fandango. Et on va se quitter avec l'un des hymnes pour grosse soirée dans la tendance que les Anglais appellent la trance. Mélange de house et de trance. Voici David Puentes avec Triple Free. Bye bye à tous et à la semaine prochaine.